Chapitre 11e. Jeudi 8 juillet. Il n'y a qu'une semaine que Camille est morte, mais pourtant, il semble qu'il se soit écoulé un bon mois, tant les événements se sont succédés rapidement. L'idée que sa mort soit due à un accident s'est imposée maintenant dans les esprits. Pourtant, certains jettent encore des regards soupçonneux sur Adrien et sur Maxime. En apprenant la mort de Marcel, d'aucuns ont pensé, si ça se trouve, l'assassin de la petite est mort maintenant. Mais il est clair que ce qui occupe l'esprit en ce moment, ce sont les moissons et non les morts. De nouveau, le gros Michel fait entendre une voix faible et lugubre. Cependant, le temps est magnifique. L'église est pleine de fleurs blanches qui répandent une odeur sucrée. Presque tous les camarades de Camille sont venus. Pour la majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils rencontrent le grand mystère de la mort, surtout en la personne de quelqu'un de leur âge. Comme le dit le curé, nul doute que Camille sera assise à la droite du Seigneur. Maxime n'est pas venu, cela aurait été au-dessus de ses forces. D'ailleurs, avec la mort de son frère, personne ne s'attendait à le voir. Adrien est présent, toujours avec Mireille. Il tient à montrer qu'il n'y a rien à se reprocher, et foudroie de son regard gris ceux qui posent sur lui un œil torve. Il tient également à faire comprendre qu'il reprend sa place en tant qu'administré du village. Tout le monde est réellement triste, car la disparition d'un enfant suscite toujours ce sentiment d'injustice et d'incompréhension. Les parents sont au premier rang des travées, à droite du cercueil. Les yeux secs, impassibles, ils ne se parlent pas, ne se touchent pas, ne se regardent pas. Ils sont tous deux murés dans un bloc de silence et d'indifférence. On dirait qu'ils ne sont absolument pas concernés par ce qui se passe autour d'eux. Le chagrin semble les avoir vidés de toute vie, de tout sentiment. « Tu as vu Adrien ? On dirait que ça ne leur fait rien d'avoir perdu leur fille, » remarque Mireille. « Attends, ils vont peut-être s'écrouler au cimetière. » Là, ils vont réaliser ce qui leur arrive. La messe est finie. La famille ne reçoit pas les condoléances. Comme des automates, les parents sont sortis de l'église derrière le cercueil et attendent patiemment le départ du cortège, derrière un antique corbillard tiré par un percheron vieux et doux. « Mon Dieu, que c'est triste !» murmure Mireille. En revenant du cimetière par la route du salon, la vieille chassagne aborde Adrien. « Alors, monsieur le maître, pourquoi ne revenez-vous pas dans l'école ?» « Oh, c'est compliqué, madame Chassagne. Il faut d'abord que je sois réintégré dans l'éducation nationale. Après, il faudrait recaser celui qu'on a mis à ma place. »« Bah, il n'a qu'à partir, celui-là, t'es, Boudiou, c'est col blanc, quelle misère. Tout est toujours compliqué avec vous autres. Il n'y est pour rien, le pauvre. » Vendredi, 9 juillet. Jour de marché. Adrien a accompagné Mireille. Elle a besoin de quelques tomates qu'elle fera à la poêle avec de l'ail et du persil, d'un ou deux cantaloups et de courgettes. Mireille avise Madame Agnel, la mère de Marcel, en grand deuil, voûtée subitement par le chagrin qui l'accable. « Ça doit être bien dur pour vous, » dit-elle avec compassion. « Ah, ne m'en parlez pas. Mon autre fils Maxime est parti ce matin à Marseille. Pensez, je ne sais pas ce qu'il va y faire là-bas. Il ne me dit jamais rien. »« Et comment faites-vous pour l'exploitation ?» demande Adrien. « Oh, la ferme en foutit. » dit-elle avec un geste vague du bras. « Si mon fils s'en va, je la vendrai. Mais, à part lui, j'ai plus d'héritier. » Le couple monte vers la place Jean Jaurès. « Qu'est-ce que Maxime a été faire à Marseille ?» demande Mireille à voix basse. « Va savoir, il a peut-être une bonne fortune là-bas. Ça m'étonnerait, ce n'est pas son genre. » Il croise le maire, un dossier à la main, la bedaine s'y rebondit qu'il a du mal à fermer sa chemise. « Ah, monsieur Brossard, vous tombez bien. Je voulais justement vous voir. » « Est-ce que vous accepteriez de devenir mon secrétaire de mairie ? Vous n'allez pas rester bûcheron, ce n'est pas un métier pour vous, tout de même. »« Et monsieur Guillaume ?» répond Adrien, « vous l'avez tué à la tâche. »« Non, mais il se fait vieux, il en a marre de travailler, ça se comprend. »« Alors si vous acceptiez, ça me rendrait bien service, et puis ça vous ferait quelques petits sous. »« Vous pourriez aussi donner des cours. »« Il n'en est pas question, l'enseignement doit être gratuit. »« Et laïque, si possible, hein ? Ah, vous n'avez pas changé ?» Toujours les mêmes idées égalitaristes. Mais tant mieux, car il en faut aussi des gens comme vous. Bon, monsieur le maire, je vais réfléchir, et je vous donnerai ma réponse dans les jours qui viennent. En tout cas, je vous suis très reconnaissant d'avoir pensé à moi. Adrien reprend le bras de Mireille, content de réintégrer peu à peu sa place dans le village.